Français 3, question orale sur le passé composé. Vous êtes prêts? Écrivez la question et trouvez une réponse originale. Question numéro 1. À quelle heure vous êtes-vous levé ce matin? À quelle heure vous êtes-vous levé ce matin? 2. Est-ce que vous avez mangé sur le campus ou à la maison? Est-ce que vous avez mangé sur le campus ou à la maison? 3. Où êtes-vous allé pour Halloween? Où êtes-vous allé pour Halloween? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? 4. Quand as-tu fait un voyage la dernière fois? Quand as-tu fait un voyage la dernière fois? Où? 5. Est-ce que tu t'es bien amusé dans tes cours ce semestre? Ou t'es-tu ennuyé? Est-ce que tu t'es bien amusé dans tes cours ce semestre ou est-ce que tu t'es ennuyé? Et voilà pour aujourd'hui pour les questions orales qui vont vous aider à travailler sur le passé composé. Bon courage, étudiez bien et à demain.